Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 31 mars. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec des polars et de la bande dessinée ce matin et une question casse-tête à propos du week-end qui arrive. Faut-il aller à Lyon pour le festival Quai du Polar en compagnie des femmes fondues au noir et de notre tête chercheuse de la semaine, la spécialiste des polars Hélène Amalric? Ou faut-il se rendre en Corse, cette belle île mondialement connue pour son sens de l'hospitalité et pour son festival BD Bastia, qui, comme d'habitude, a un programme alléchant et un invité américain de marque, Craig Thompson, qui sera aussi mon invité aujourd'hui en deuxième partie. Mais tout d'abord, le 4e épisode de notre série « Des femmes fondues au noir ». What's the matter? Mr. Slade came here the night of the other murder. Don't you remember what happened? And all he had with him was a little black bag. Bonjour Hélène Amalric. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des scandaleuses dans les polars. Qui sont les scandaleuses? C'est quoi votre définition des scandaleuses? Scandaleuses, ce sont celles qui ont provoqué un scandale. Ça n'est pas elles, c'est la réaction qu'on a eue à ce qu'elles ont écrit. Et ce sont des auteurs qui ont présenté, à travers leur roman, une image de la femme, ont cassé l'image de la femme par rapport à vraiment quelques thèmes très forts, par rapport à la violence, par rapport à la sexualité ou par rapport à la maternité. Elles ont écrit un roman ou plusieurs qui, à chaque fois qu'elles remettaient en cause l'idée que la société a des femmes dans ces domaines-là, ont provoqué un scandale. Notamment, souvent, parce que c'était la violence des femmes et non plus la violence contre les femmes, et que ça n'était plus une violence psychologique mais une violence physique. Je pense quelques noms, quelques auteurs qui balisent depuis les années 90 ces thèmes-là et qui ont, à chaque fois qu'elles ont écrit un roman, provoqué un scandale. Elles le font parce qu'elles sont, si je pense à toutes celles dont je vais parler, Hélène Zahavi, Virginie Despentes, Lionel Shriver, elles le font parce qu'elles ont elles ont vraiment quelque chose à dire, quelque chose qui déborde, une rage qui déborde, et elles le disent d'une façon qui choque. Baise-moi ou les chiennes savantes, ce sont des polars. Il y a les codes du polar. Il y a des criminels, il y a un road movie, même si ce sont des road novels. Il y a de la violence, c'est criminel. Encore une fois, là, pour Virginie Despentes, je parle vraiment des deux premiers. Et les deux premiers provoquent une déflagration dans le monde du polar. Mais avant ça, vous avez Hélène Zahavi, une Anglaise, qui écrit un roman qui s'appelle Dirty Weekend, qui est absolument traîné dans la boue par toutes les critiques, qui en France est publié par un éditeur de poche directement, par Press Pocket, même pas par un éditeur grand format avant d'être repris en poche, qui est l'histoire d'une jeune femme, ça se passe à Brighton, l'espace d'un week-end. Si vous m'en laissez le loisir, je vais lire le début du roman. Le premier chapitre, c'est « Voici l'histoire de Bella qui se réveilla un matin et s'aperçut qu'elle n'en pouvait plus. » Bella voulait juste qu'on la laisse en paix. Apparemment, ce n'était pas trop demandé. Elle attendait peu, recevait encore moins et remerciait Dieu de ce qu'il lui accordait. Elle s'était fait une place minuscule et pas question de le lui reprocher. rien n'aurait changé, personne n'aurait jamais connu son nom sans cet homme qui l'observait. Un homme ordinaire qui l'observait depuis sa fenêtre, un homme qui l'observait et la désirait, là, debout derrière sa fenêtre. Il n'avait pas assez de bon sens pour la laisser en paix. Il la voyait comme un récipient vide que lui seul pouvait remplir. Il s'imaginait la tirant par les cheveux pour lui faire traverser la rue. Malheureusement pour lui, il imaginait trop de choses. Un petit esprit avec de grandes idées, car Bella ne pouvait pas plier. Comme il le découvrit, comme elle le découvrit, Bella ne pouvait que rompre. Et donc bon, on voit bien ce qui va se passer. Le Dirty Weekend, c'est que Bella... Il y a un moment qui est une femme, alors là, pour le coup, victime, c'est-à-dire qui ne demande rien à personne, qui ne fait rien, mais qui est harcelée en permanence, va, aujourd'hui on dit, péter un plomb, et en fait va se mettre à tuer, et à tuer des hommes. C'est un roman très court, très violent. Mais pourquoi a-t-il provoqué autant de réactions, et pourquoi a-t-il provoqué le scandale ? Parce que c'était une femme qui tuait des hommes. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Vous avez, hein, vous êtes bien placé aussi pour le savoir, et moi j'en lis, enfin, je veux dire, des hommes qui racontent, des auteurs hommes, des auteurs féminins aussi, des femmes qui se font trucider, couper en morceaux, tout ce que vous voulez, il y en a, mais enfin, c'est le roman criminel, et il n'y a pas que le roman criminel malheureusement, et jonché de corps de femmes. Mais qu'une femme dise « j'en ai assez » et « je tue », c'était quelque chose de scandaleux au sens de choquant. Et alors, Hélène Zahavi a dit qu'elle ne considérait pas nécessairement que c'était un roman féministe ou que son message était féministe. Alors, est-ce que c'est... Parce que après, évidemment, il faut toujours, on fait un peu machine arrière sur ce qu'on a voulu faire ou dire. Elle a expliqué que c'était qu'en fait, elle parlait des gens qui sont opprimés entre guillemets, qu'elle parlait des rapports de pouvoir, qu'on est tous soumis à des rapports de pouvoir, et que ce qu'elle a voulu décrire, c'était quelqu'un qui en voyait tout balader parce qu'il n'en pouvait plus de ça. Il n'empêche. Que on sait bien, ça c'est une chose dont on n'a pas parlé dans les précédents, pourquoi aussi les femmes auteurs de polar, pendant très longtemps, ont écrit autour de la cellule domestique, parce que et ont décrit tout ce qui était rapport homme-femme, mais c'est parce qu'elles décrivaient les rapports de pouvoir. Donc voilà, bon, ça c'est Hélène Zahavi, ça a été un grand choc et un grand scandale, on peut le dire. Les autres arrivent ensuite. Les autres arrivent ensuite ou à peu près en même temps. Mais ce sont des sujets qui sont encore récemment. Un auteur comme Val McDermid, je sais qu'il y a eu en Angleterre une polémique sur ses romans sont trop violents. Et elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je parle de femmes victimes, je parle... Alors, elle a répondu, elle a compté, elle s'est posé la question, et elle a compté combien de gens elle avait tués dans ses romans, et c'était moitié-moitié homme-femme. Mais elle dit, à partir du moment où on considère qu'une femme ne devrait pas écrire des choses trop violentes, et... À chaque fois que vous avez un auteur qui a écrit là-dessus, ça a provoqué une réaction. On a Lionel Shriver qui a écrit « Il faut qu'on parle de Kevin » sur la maternité. Qu'est-ce que c'est que la maternité ? Est-ce que c'est quelque chose de spontané ? Est-ce qu'on peut ne pas aimer ses enfants ? Ça a également provoqué un scandale. Et puis le « Gone Girl » de Gillian Flynn, moi, ce qui m'a frappé, c'est que qui m'a même stupéfié, c'est qu'en fait le personnage, l'héroïne de Gone Girl, n'existe pas. Elle n'a pas de personnalité propre. Elle ne se définit que par rapport aux hommes, que par rapport d'abord à ses parents et ensuite à tous les hommes qui l'entourent. Elle est censée être écrivain. On ne saura jamais ce qu'elle écrit. Si elle écrit, elle ne fait rien. Quand elle se retrouve, bon, quand elle a manipulé, bon, je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire aujourd'hui. Donc c'est pas quand elle se retrouve seule, sans un sou, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait appel à un homme. On a l'impression que cette femme n'existe, et je trouve que en 2014, 2015, c'est une question, me dire qu'une femme a écrit un roman. Indépendamment de, je pense que la polémique qui est née sur Gone Girl, sur est-ce que cette femme qui est une psychopathe, d'abord pourquoi est-elle psychopathe ? Y a toute la question des parents. Mais moi, encore une fois, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est que cette femme n'a pas de personnalité sinon par le reflet que des autres, et elle ne se définit dans ses actions que par rapport à l'extérieur, que par rapport aux hommes. Régression pour vous, Amalric? Oui, peut-être un peu. Mais scandaleuse quand même. Scandaleuse quand même, oui. On se retrouve demain pour le dernier épisode. À demain. Et demain, on parlera du polar français. Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. Kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Aujourd'hui s'ouvre à Bastia le festival de bande dessinée que France Culture soutient depuis le début. C'est un des meilleurs dans le genre, BD Bastia, et je reçois l'invité d'honneur Craig Thompson dans un instant, l'Américain Craig Thompson, mais tout d'abord Dominique Mattei, qu'on retrouve toujours avec plaisir à cette époque de l'année. Bonjour Dominique Mattei. Bonjour. Alors, on va parler du programme. On va pas parler de tout le programme, mais vraiment jusqu'au 3 avril, on peut rencontrer beaucoup, beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui ont marqué cette année d'une manière éditoriale. On va citer quelques noms. Dominique Mattei, allez. Ben, on va rencontrer, justement, aux côtés de Craig, on va rencontrer Charles Burns, David Peterson, et puis on va rencontrer Edmond Boudouin, puisqu'il a un projet avec Craig dont il vous parlera peut-être. Et on peut même dire que Edmond Boudouin aime la Corse. Il aime la Corse et il signe l'affiche de cette année. Ah, très voilà, bien. C'est lui qui signe l'affiche de cette année. On pourra en croiser aussi Pénélope Bagieu autour de son album California Dreaming. Et puis, on pourra croiser beaucoup d'auteurs autour de la thématique du western, qui sera une des grandes thématiques de BD à Bastia, avec des grands classiques maintenant, comme François Bouc. Mm-hmm. Et puis aussi des œuvres qui, je pense, seront étonnantes, qui vont marquer, qui seront en avant-première à Bastia, comme la bande dessinée de Frédéric Peters et Louis Fang, L'odeur des garçons affamés, qui sortira le 6 avril et qui sera en avant-première, et qui, je pense, sera vraiment quelque chose qui va un petit peu marquer l'histoire du western en bande dessinée. Toujours l'avant-première, la bande dessinée du Syrien Hamid Souleyman qu'on a reçu vendredi dernier, Histoire d'une révolution, avec une exposition d'ailleurs. Tout à fait, avec une exposition des pages originales de cette bande dessinée qui effectivement raconte la première année qui a suivi le printemps syrien. Et qui est une bande dessinée qui est à la fois très émouvante et un petit peu prémonitoire parce qu'elle annonce de désastres qu'on connaît bien aujourd'hui, malheureusement. Et ce qui fait la différence entre votre festival, le festival BD à Bastia, cette année c'est la 23e édition, oui. Ce sont d'abord les expositions dans des lieux magnifiques, et puis surtout c'est la rencontre directement avec les auteurs, hein. C'est-à-dire ce n'est pas du tout le lieu des éditeurs, pour aller très vite, ou du marché de la bande dessinée. Alors, c'est pas un lieu de marché, c'est un lieu effectivement qu'on a voulu comme un lieu de rencontre où le public, il y a vraiment une grande proximité, c'est-à-dire le public découvre les œuvres, les planches originales ou les dessins ou les illustrations, puisqu'il y a aussi des illustrateurs. Il rencontre les auteurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rencontres et de débats. Et puis, il y a des rencontres aussi informelles au café d'Una Volta. Il y a des projections, etc. Voilà, c'est un moment qu'on a voulu, un moment de convivialité où d'abord, les auteurs se rencontrent entre eux avec le temps pour le faire et le public rencontre les auteurs. Après, il s'agit aussi, bien sûr, de faire que les gens aillent vers le livre, parce que c'est quand même, in fine, Acheter des livres et les ramener à la maison, c'est quand même aussi ce qui est très important. Voilà, et pour terminer, Ruben Pelejero, il vient ? Tout à fait, Ruben Pelejero sera là. Alors, il sera là avec une grande exposition monographique, où bien sûr, on montrera les pages de Cortot, ouais. Mais on montrera aussi les pages de Loup de Pluie, qui est son western, sa série western. On montrera les pages d'un album magnifique qui est Le silence de Malka ou Le tour de valse, et puis les pages de ses premières séries qui sont Les aventures de Dieter Lumpen. Donc une grande belle expo monographique consacrée à Alors, Dominique Mattei, vous l'avez aimé, vous, la Corto Maltese qui renaît avec ce duo de grands dessinateurs et scénaristes espagnols? Eh bien, moi, je l'ai bien aimé parce que d'abord, moi, je suis la génération qui a vraiment été jeune adulte avec Cortot, donc adolescente et jeune adulte avec Cortot, donc j'ai un grand, grand attachement à Cortot. Et je trouve que Ruben et Canales ont réussi à créer leur propre rythme de narration. Et ils sont pas dans quelque chose qui serait une espèce de copie, d'imitation, mais dans une lecture qui est quand même assez personnelle, tout en respectant, comment on va dire, les grandes lignes de l'imaginaire corto-maltésien, si je puis m'exprimer ainsi. Et Craig Thompson qui arrive. Merci beaucoup, Dominique Mattei. Merci à vous. On vous laisse filer, vous avez un avion à prendre. Merci, au revoir. Moi, je vous rejoins tout à l'heure. Au revoir. Mon invité ce matin est l'auteur américain Craig Thompson. Bonjour. Et il sera doublé par Xavier Combe, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour. Elle a quel âge, Violette, l'héroïne de votre dernier roman graphique, Space Bullet, édité en France chez Casterman, Craig Thompson? It's not specified specifically, but I'd say about 10 years old. Son âge n'est pas précisé, je dirais qu'elle a une dizaine really d'années. The age of myself I was writing for. C'est l'âge que je visais pour cette écriture, une dizaine d'années à peu près. Et comment vous avez trouvé son prénom, Violette, pour nous? She's based on inspired by a real life girl. En réalité, elle est inspirée d'un personnage existent. Le père, la mère et l'enfant constituent une famille qui sont des amis à moi aux États-Unis. Lorsque leur petite fille, Violette, est née, elle est devenue ma muse le jour même et je savais que j'allais lui consacrer un livre. Ah ben c'est comme la petite Esther pour Riyad Satouf. Elle s'appelle Violette et elle va à la rescousse de son père, très musclé, très tatoué. Son père qui a disparu au cours d'une mission dangereuse. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça se passe dans un futur galactique. La Violette, elle se lance dans l'espace vaste et dangereux à la recherche de son père et accompagnée d'une bande d'amis qui, eux, ne lui ressemblent pas. Exactly. And before that adventure, c'est tout à fait cela. Mais avant cette aventure, il y a l'école élémentaire de Violette qui est détruite, dévorée par des baleines galactiques. Ça, c'est l'ouverture de l'histoire. Sa famille commence à rechercher une nouvelle école pour elle dans l'espace et ça engendre des tensions entre la mère, le père. Violette est au milieu des disputes. Puis le père disparaît dans le cadre d'une mission qui vise, dans un cadre assez dangereux, à lever des finances pour reconstruire l'école. Donc Violette, elle, se sent tout à fait responsable. Elle veut sauver son père. Et elle a deux amis qui sont aux deux extrêmes du spectre social. Et donc, c'est eux trois qui partent à la rescousse du père dans l'espace. Ça s'appelle Space Bullet. Et ce dernier roman graphique, tout aussi volumineux que les précédents, aborde un genre qu'on n'attendait pas chez vous, c'est-à-dire c'est-à-dire après le récit philosophique de Adieu Chunky Rice, après la bande dessinée introspective et autobiographique Blankets, après le carnet de voyage Un Américain en balade, et puis enfin après le conte oriental revisité Habibi, vous publiez cette fois-ci une aventure spatiale à destination des enfants. C'est un changement dans votre approche de la bande dessinée. Vous, Craig Thompson, qu'on présente comme un grand auteur de bande dessinée pour adultes. Exactly. My intention with each project is to totally reinvent myself. Mais pour chaque projet, je veux me réinventer. Par conséquent, je veux faire quelque chose de différent à chaque fois. Entre Blankets et Habibi, il y a un énorme changement. Il y a ces paysages du Midwest, puis je voulais me lancer dans une épopée un peu plus mondiale avec Habibi, un conte oriental comme vous voulez, et là, j'ai encore voulu changer et faire quelque chose dans le domaine de l'aventure avec de l'humour pour des jeunes lecteurs. Voilà les motivations qui m'ont poussé à me lancer dans ce projet. Et pourquoi donc, Craig Thompson, pourquoi changer de style, de genre, et du coup, là, avec Space Bullet, de public? Hopefully I'm not changing my readership entirely. Non, je ne change pas de lecteur. J'espère que j'étends mon lectorat. Je voudrais garder mes lecteurs fidèles. Ça fait partie de mes intentions. Je ne sais pas si j'y parviendrai. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants de mes lecteurs qui peuvent lire ce que je fais. Et j'arrive à 40 ans, tous mes amis ont des enfants, les enfants veulent lire ce qu'a fait Craig Thompson, mais on ne les a pas vraiment encouragés pour le faire, c'est peut-être un peu ardu pour eux. Et puis, je me pose la question de savoir quand j'ai eu cette vocation pour faire de la bande dessinée. J'avais 8, 9, 10 ans, et c'est à ce lecteur-là que je m'adresse dans le cadre de ce dernier projet. Est-ce à dire, Craig Thompson, que vous êtes retombé en enfance pour imaginer les situations de Space Bullet, pour imaginer cette poursuite galactique, le vaisseau, toute cette atmosphère qui rappelle tous les films de science-fiction qu'on a pu voir et aimer il y a quelques décennies, enfin pas... Vous êtes jeune, hein? Certainly. I was drawing on all the things I loved. Oui, oui, vous avez raison de dire tout ça. Oui, tout ça. J'ai voulu intégrer dans ce livre tout ce que j'aimais quand j'étais gamin. Beginning with Star Wars. Donc d'abord la guerre des étoiles. But you know, George Lucas describes Star Wars. George Lucas décrit la guerre des étoiles comme étant une histoire de camionneurs dans l'espace. Space Bullet, c'est encore plus exagéré. Et là, je mets plus l'accent sur la culture de la classe ouvrière, la dynamique familiale, plutôt que des batailles spatiale sous forme d'épopée. Il n'y a pas cette action-là dans mon livre. Il n'y a pas de fusée laser ou d'épée laser. Non, il y a des thèmes d'adultes qui sont l'amitié, la crise environnementale, des problèmes de manque d'énergie, par exemple, et des désastres comme ça auxquels sont confrontés les adultes dans notre société. C'est vrai, vous avez bien fait, Craig Thompson, de rappeler que ni Violette ni ses amis n'ont de pouvoir magique ou d'armes à brandir, mais on reste dans cette... logique de grande aventure spatiale avec des poursuites et le thème qu'on retient, mais peut-être que parce que vous êtes américain, c'est vraiment la famille. On se dit, tout ça c'est bien beau, mais avec les Américains, la famille est toujours aussi sacrée, toujours aussi présente. Yes and no. I mean, oui et non. Réponse de Normand, si vous le permettez. On aime bien parler de valeurs de famille, valeurs familiales aux États-Unis, mais c'est un peu galvaudé parce que les États-Unis, aux États-Unis, on met pas vraiment l'accent sur les valeurs familiales. C'est sans doute dû à cette culture capitaliste individualiste qui est la nôtre. La famille ne constitue pas un noyau aussi important qu'en Europe ou dans les pays en développement, a fortiori. Là, la famille constitue tout. Aux États-Unis, en revanche, la famille, c'est quelque chose que nous feignons de trouver très important. Et les enfants, on les garde à distance des relations avec les parents. Il n'y a pas beaucoup d'intimité, moi, je trouve. Et je trouve qu'il faut montrer l'importance des relations d'amitié, parce que de famille élargie, si vous voulez. Et aujourd'hui, je m'intéresse au thème de la famille, mais aussi de ces liens plus distendus. Craig Thompson, il y a quelques références qu'on saisit très vite. La Bible, bien sûr, que vous citez, et Moby Dick, je crois que c'est les deux seuls livres que vous citez. Mais il y a sans doute d'autres situations, puisque à la fin de l'aventure Space Bullet, dans la version éditée en France par Gallimard, il y a tout un cahier où vous nous expliquez qu'il y a des références typiquement américaines qui sont présentes dans votre livre. Moby Dick would definitely be the biggest influence Moby on the Dick, book. Évidemment, c'est both la plus grande influence. Both as a comedy, I think. Alors, Moby Dick is a comedy. Dans Moby Dick, il y a de l'humour, faut pas l'oublier. Mais c'est également une réflexion sur la crise énergétique ou la source des carburants. Mais Moby Dick est évidemment lié à l'histoire de Jonas dans la Bible, étant donné qu'il y a un personnage qui est avalé par une baleine. Je ne pouvais pas m'affranchir de cette métaphore de Jonas, mais sinon, il y a des références des années 80, Goonies, La Guerre des Étoiles, Ghostbusters, beaucoup moins un télo, hein, tout ça. Donc ça, c'est des références que j'adore quand j'étais gamin. Et puis il y a Mad Magazine. Sergio Aragonés, dessinateur de comic strip américain d'origine mexicaine qui m'a beaucoup influencé quand j'étais gamin. Sinon, il y a des influences telles que la science-fiction française. Il n'y a pas de très bonne bande dessinée de science-fiction aux États-Unis, pas comme en France. Et graphiquement, puisque on a l'impression que le découpage, c'est un découpage volontairement populaire, très nouveau, qui renvoie aussi bien au manga qu'aux comics américains. Vous avez longuement réfléchi avant d'opter pour ce nouveau découpage. Quand j'étais gamin, on a connu les premières mangas traduites aux États-Unis. Je suis sûr que c'est la même chose en France. Il s'agit des années 80, des fins des années 80, début des années 90. Donc, la manga a toujours influencé mon style graphique. Autrement dit, la façon dont les images se succèdent. Ce livre est en couleur. Par conséquent, il y a également une espèce d'animation. J'ai travaillé avec Dave Stewart, qui a fait les couleurs, et nous avons beaucoup parlé de ça. On va dire, la toile de fond sera sale, normale, un peu rouillée, alors que les personnages, au premier plan, seront dans des couleurs vives, et ainsi de suite, vous voyez, pour faire un contraste. Donc, on a regardé des choses modernes pour bien relater cette notion d'aventure. Ça vous a pris combien de temps pour faire Space Bullet, Craig Thompson? L'écriture, c'était très rapide. Le premier jet, un mois. Et c'était uniquement du plaisir et j'essayais de me faire rire à chaque page. Voilà. Bien entendu, cela a été réécrit, édité 2-3 fois, mais c'était encore agréable. Et le dessin, c'était aussi ardu que pour Habibi. Donc, il a fallu 2 ans pour faire tous les dessins. Non-stop, sans arrêt. Et du reste, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait préparer les pages pour qu'elles soient colorisées par la suite. Donc, ça rajoute une strate de complications dans la réalisation du livre. Et pendant ces 2 ans, est-ce que vous êtes obligé, aux États-Unis, Craig Thompson, de faire autre chose ou vous pouvez vous permettre de travailler 2 ans sur une bande dessinée et de vivre avec? Depuis 2005, je travaille à la bande dessinée à plein temps. Donc j'ai commencé avec Habibi. Habibi, Random House m'a donné une grosse avance. Donc j'ai pu arrêter tout mon travail d'illustration en dehors de ce projet et mettre uniquement l'accent sur la bande dessinée. Merci beaucoup, Craig Thompson, d'être passé ce matin pour nous parler de Space Bullet, juste avant votre départ à Bastia, puisque vous allez au festival BD Bastia. Et bonne matinée, je vous retrouve demain. Et demain, on parlera aussi de bande dessinée. Et pas de BD Bastia qui commence aujourd'hui, mais des 9e rencontres de la bande dessinée à Aix. Bonne écoute des matins de France Culture et à demain.